Nous on squatte tes terres comme Dida. V'là les plus déter candidats. Les petits sont chauds, ils sortent le tarpé à la tzigane. Placement parfait à la Zidane. Spay ne veut pas de nous car paraîtrait qu'on est tous des mal appris. Oublie du système quand on reçoit des courriers d'état que c'est pas la prime. J'suis mal, non j'suis pas né pour que m'opprime. Minable, sont nos dirigeants puis mon prix. Dis mal, c'est hard, mais on vit là. T'es ma 12 ans, ils volent déjà des tailles à monoprix. Bam bam bam bam. Ça vend des grammes et ça se prend pour Pablo dans le cartel de Tijuana. Ce milieu se dégrade mais c'est pas grave, à bord j'arrive avec mes piranhas. Les petits sont malades, ils sont pris au pire, ce qui les attire, le deal la maille. La maille, victimes sont banales, ça vend toute la sainte journée et ça tire la naille. Bam bam. Combien d'entre nous ont grandi dans l'illégal? Dans l'illégal. Combien pour de la cam ou bien des billets cannes? Des billets cannes. Y'en a marre de ramer. Je veux plus entendre parler de placard, mon frère sort de 4 années. Nous on squatte tes terres comme Dida. V'là les plus déter candidats. Les petits sont chauds. Les petits sont chauds. Ils sortent le tarpé à la tzigane. Placement parfait à la tzigane. À la Zidane, placement parfait à la Zidane. À la Zidane, placement parfait à la Zidane. À la Zidane, à la Zidane. Placement parfait à la Zidane. On se barre de la thèse, gros moi c'est les deux, j'suis désolé mais rends bas de la cesse. Bâtard, garde ta caisse, à la fin tu te chies, prends des coups disant que tu gardes la pêche. Mal placé, ton discours de mytho, mal au petit les a grave lassés. T'as pas de classé, mec, dans l'équipe est pas assez que tu biques grave lassé. Que tu biques grave lassé. Nous raconte pas ta vie, ici on s'emballait. Ici on s'emballait. Les fâcheux veulent nous voir passer le balai dans un palais. Ici que des dalleux, c'est stress dans le palais. C'est stress dans le palais. L'état prenant le mal, le mal de la misère est allé. Les bâtards font de l'héros, regarde les petits, bref, incité à braquer. Incité à braquer. Non c'est pas l'héros, la vague se replie, frère, ma cité va craquer. Ma cité va craquer. Les bâtards font de l'héros, regarde les petits, bref, incité à braquer. Incité à braquer. Non c'est pas l'héros, la vague se replie, frère, ma cité va craquer. Nous on squatte tes terres comme Dida. Tes terres comme Dida. V'là les plus déter candidats. Les petits sont chauds. Les petits sont chauds. Ils sortent le tarpé à la tzigane. Placement parfait à la tzigane. À la Zidane, placement parfait à la Zidane. À la Zidane, placement parfait à la Zidane. À la Zidane, à la Zidane. Placement parfait à la Zidane.